Enseignement par Sayadaw Upanyaswamy, retraite Vipassana 2003, centre d'Amarancy. Tende retreat is about to finish. All the bhikkhus must enter the rain retreat, usually July, August, September, middle of July, September, August, October. So all bhikkhus must enter the rain retreat. We call Vasa. Notre retraite de 10 jours va bientôt se terminer. Il y aurait encore beaucoup de choses à expliquer à propos de Vedana Nupassana, la contemplation des sensations, Chitta Nupassana, la contemplation de la conscience, Dhamma Nupassana, la contemplation des Dhammas. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Avant de nous quitter, je vais cependant vous expliquer comment vous avez expérimenté les connaissances Vipassana au cours de votre pratique. Je ne donnerai pas des explications très détaillées à ce sujet, car ceux qui n'ont pas expérimenté de façon claire pourraient ne pas comprendre. Je vais donc vous expliquer cela de façon très générale. Le Bouddha nous dit « Celui qui voit clairement le Dhamma, qui voit les choses telles qu'elles sont, me voit. Celui qui ne voit pas clairement le Dhamma, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, ne me voit pas. » Que veulent dire ces paroles? Du temps du Bouddha, il y avait un brahmane qui cherchait à être toujours en compagnie du maître. Il faut dire que le Bouddha avait une belle apparence extérieure. C'était un homme élégant. Ce brahmane cherchait donc à se trouver toujours à proximité du Bouddha pour pouvoir le regarder. Il avait même demandé au Bouddha l'autorisation de se faire moine, se disant qu'il pourrait ainsi l'approcher sans difficulté. Le Bouddha avait vu que cet homme atteindrait l'illumination. Il l'autorisa donc à faire partie de la Sangha, même si ses motivations n'étaient pas pures. Ce brahmane devint donc un bhikkhu, mais il ne pratiquait pas la méditation, il n'étudiait pas les enseignements du Bouddha, ce qu'il aurait dû faire en tant que moine. Un moine doit soit étudier les Écritures et pratiquer ce que l'on appelle en pali pariyatti, ou pratiquer la méditation, ce que l'on appelle en pali patipati. Mais ce bhikkhu ne faisait rien, ni pariyatti, ni patipati. La seule chose qu'il voulait bien faire, c'était se trouver à proximité du Bouddha pour avoir le plaisir de le regarder. Le Bouddha se montra très patient avec lui, il ne lui fit aucune remarque et lui permit de le regarder. Pendant la retraite du Vasa, la saison des pluies, retraite qui dure de la mi-juillet à la mi-octobre, les moines ne sont pas autorisés à quitter le monastère, ils doivent participer à la retraite de la mousson. Juste avant le début de la retraite de la mousson, le Bouddha appela ce moine et lui dit « Wokali, pourquoi me regardes-tu constamment? Pourquoi ne te mets-tu pas à l'étude ou à la pratique? Ce corps n'est que pourriture, et toi, tu ne fais que cela, le regarder, mais tu n'étudies pas, tu ne pratiques pas. Arrête de te comporter ainsi, cela ne sert à rien. » De contempler ce corps. Éloigne-toi de moi. » Lorsqu'il s'entendit dire qu'il devait s'éloigner de la personne du Bouddha, le moine fut si triste, si désappointé, qu'il voulut se suicider. Le Bouddha l'avait chassé. Il s'éloigna donc, comme le lui demandait le Bouddha, avec l'intention de mettre fin à ses jours. Et c'est alors que le Bouddha prononça ces paroles, « Celui qui voit le Dhamma, qui voit la réalité telle qu'elle est, me voit. Celui qui ne voit pas le Dhamma, qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est, ne me voit pas. Même s'il passait le plus clair de son temps à contempler la personne du Bouddha, ce moine ne le voyait cependant pas, puisqu'il n'avait pas expérimenté le Dhamma. S'il avait vu clairement le Dhamma, il aurait vu le Bouddha, même si le Bouddha ne se trouvait pas physiquement en face de lui. Le bhikkhu fut donc si déçu qu'il décida de se suicider. Il se rendit au sommet de la colline dans l'intention de se jeter dans le précipice. Le Bouddha savait que l'homme allait atteindre l'illumination. Il lui envoya un message « Wokali, ne sois pas découragé car je suis près de toi ». Lorsqu'il entendit ces paroles, Wokali fut submergé par la joie. Il est normal que l'on se sente heureux lorsque la personne que l'on aime nous fait signe. Wokali était très attaché à la personne du Bouddha. La seule chose qui l'intéressait dans la vie, c'était de pouvoir le contempler. On comprend donc qu'il fut très déçu lorsque le Bouddha lui demanda de s'éloigner de lui. Wokali entendit donc le message du Bouddha « Ne sois pas découragé, je suis proche de toi ». Il est tout à fait normal que l'homme fût submergé par la joie. Au moment précis où il entendit ces mots, il était très attentif. Il vit apparaître la joie. Il avait également des paramis. Au moment précis où il nota « joie, joie », il réalisa très rapidement toutes les étapes de réalisation jusqu'au stade d'arhat. Vous vous direz sans doute que ce moine a franchi très vite toutes les étapes de réalisation, alors que vous êtes ici depuis 10 jours et vous n'avez rien connu de tel. Il faut savoir que dans les Écritures, il est fait mention de 4 types d'individus. Le premier type d'individu, c'est Okati Tenyu. C'est une personne très intelligente, elle comprend facilement les enseignements du Bouddha. Son attention est très développée, et pour elle, atteindre l'illumination n'est pas très difficile. Sariputta, le premier disciple du Bouddha, faisait partie de cette première catégorie. Il lui a suffi d'entendre 8 mots de l'enseignement pour atteindre le premier stade d'illumination, la conscience du Sotapanna. Sariputta était donc un Okati Tenyu. Le deuxième type d'individu, c'est Vipinsi Tenyu. C'est une personne très intelligente, quoique moins que la première. Elle n'atteint l'illumination qu'à la fin du sermon. Cet individu est donc moins rapide que le premier. Le troisième type d'individu, c'est Neya. Cette personne n'est pas en mesure d'atteindre l'illumination par la simple écoute d'un enseignement. Il faut qu'elle pratique avec effort. Elle doit dépenser beaucoup d'énergie pour progresser, elle doit développer une attention ininterrompue. Pataparama, le 4e type d'individu, est une personne qui n'atteindra pas l'illumination dans cette vie même si elle pratique avec diligence et qu'elle écoute beaucoup d'enseignements. Mais comme ces personnes auront fourni beaucoup d'efforts pour pratiquer la méditation, qu'elles auront écouté beaucoup d'enseignements, elles reprendront naissance dans de bons plans, elles rencontreront des kalyanamitas, des amis spirituels, et pourront réaliser rapidement l'illumination dans l'existence future. En ce qui nous concerne, nous devons pratiquer avec effort de façon ardente et énergique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'interrompre l'attention, nous devons rester très vigilants, sans interruption. Et si nous persévérons dans notre pratique, que nous continuons à fournir cet effort, il est possible que nous atteignions l'illumination dans cette vie même. Le Bouddha, en effet, garantit que si la pratique est sérieuse, il est possible d'atteindre l'illumination en 7 jours, 6 pas en 7 jours en 2 semaines, 6 pas en 2 semaines en 1 mois, 6 pas en 1 mois en 2 mois, ou plus tard dans 7 ans. Et nous pouvons atteindre le 3e stade d'illumination, le stade du non-retour. Le Bouddha nous le garantit. Mais il faudra pour cela que nous pratiquions de façon diligente, ardente et énergique. Revenons-en aux paroles du Bouddha. Celui qui voit le Dhamma me voit. Que veut dire voir le Dhamma? Lorsqu'on participe à une retraite, il nous sera demandé de focaliser notre attention sur l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous devons noter très attentivement soulèvement et ensuite abaissement. Si nous réussissons à maintenir notre attention pendant toute la durée du processus, nous expérimenterons un mouvement ascendant et ensuite un mouvement descendant. Nous réaliserons le mouvement à l'état pur. Nous expérimenterons peut-être des sensations de contraction, d'expansion, des rebondissements. Il est possible qu'à la fin du mouvement de soulèvement, nous ressentions une sensation de dureté, ou au contraire de douceur. Il est possible qu'à la fin de l'abaissement, nous ressentions également de la douceur ou de la dureté. Ressentir toutes ces sensations, c'est expérimenter. Au moment précis où l'on note attentivement le mouvement de soulèvement et ensuite le mouvement d'abaissement de l'abdomen, l'esprit est très pur. Il n'y a aucun désir, aucune aversion, aucune colère, aucun orgueil, aucune trace d'égoïsme. L'esprit est clair et pur. On parle alors de citta visuddhi, la purification de l'esprit. Un esprit clair et pur voit les choses très clairement. Lorsque le mouvement de soulèvement apparaît, l'esprit est capable de noter soulèvement. Il expérimente une sensation de mouvement. Lorsque l'abaissement a lieu, l'esprit peut noter abaissement et il peut expérimenter une sensation de décontraction, un mouvement descendant. Il voit clairement, il expérimente. Lorsque le mouvement de soulèvement a lieu, l'esprit note ce mouvement. La prise de conscience, la notation, est un phénomène mental. Le mouvement lui-même est un phénomène matériel. Il y a donc d'une part le phénomène mental, c'est l'esprit qui prend conscience, et d'autre part le mouvement d'abaissement, c'est un phénomène qui appartient à la matière. Le méditant est devenu capable de différencier ces deux choses, l'esprit et la matière. Vous savez qu'il n'y a en vous que deux choses, l'esprit qui note et le mouvement lui-même. L'esprit qui note, c'est le phénomène mental. Le mouvement, c'est le phénomène physique. Vous voyez clairement. Le méditant explique qu'au moment où il note soulèvement, il ressent un mouvement ascendant. Qu'au moment où il note abaissement, il ressent un mouvement descendant. Pourquoi l'abdomen se soulève-t-il et ensuite s'abaisse-t-il? C'est à cause de l'air. Le mouvement, c'est la manifestation de l'élément air et vous l'avez expérimenté directement dans votre propre corps grâce à votre attention. L'élément air est un phénomène qui appartient à la matière. Parfois, vous constaterez qu'à la fin du mouvement de soulèvement, il y a une sensation de dureté. À la fin du mouvement d'abaissement, il est possible, si vous êtes très attentif, que vous ressentiez une sensation de douceur. Vous pourrez parfois constater, si vous êtes très attentif, qu'à la fin du mouvement de soulèvement, lorsque l'abdomen est gonflé d'air, la peau est tendue et vous ressentez une sensation de dureté. Si vous êtes très attentif, vous pourrez ressentir toutes sortes de choses dans l'abdomen. Ressentir toutes ces sensations, c'est expérimenter, c'est voir clairement, c'est la compréhension, la sagesse. Si vous observez attentivement, vous pourrez constater qu'il n'y a jamais que deux choses qui se succèdent, le phénomène matériel et le phénomène mental. Il y a le mouvement de soulèvement et ensuite la prise de conscience de ce mouvement. Il y a la dureté et la prise de conscience de la dureté. Il y a la douceur, le mouvement et chaque fois la conscience de ces choses. Tout cela, c'est comprendre. Lorsque vous méditez en posture assise, vous posez les mains soit devant l'abdomen, l'une contre l'autre, soit sur les genoux, et il est possible que vous ressentiez une sensation de chaleur dans la paume des mains. Parfois, vous ressentirez de la dureté, de la lourdeur. Vous êtes occupé à observer les mouvements de l'abdomen et vous pouvez parfois ressentir de la chaleur ou du froid quelque part dans le corps. Dès que vous prenez conscience de ces sensations, vous allez les noter mentalement telles qu'elles vous apparaissent. Vous répétez « chaleur »,« dureté »,« froid », etc. Pourquoi notez-vous ainsi « dureté »,« chaleur », »,« froid » Tout simplement parce que vous avez ressenti au préalable cette sensation de chaleur. Pourquoi notez-vous « dureté » Parce que vous avez ressenti la dureté. À d'autres moments, il y aura de la salive qui va s'accumuler dans votre bouche. Vous prenez conscience que l'élément eau est présent dans votre bouche. La salive est la manifestation de l'élément eau. Vous éprouverez le besoin d'avaler, vous allez noter « avaler, avaler ». Et si c'est de la sécheresse que vous ressentez dans la bouche, vous expérimentez l'élément feu. C'est l'enseignement du Bouddha. Si vous avez pu expérimenter tout cela, c'est parce que votre attention est maintenue très ferme. Après un certain temps, il est possible que vous réussissiez à noter très clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans penser. Vous ressentirez alors une sensation de grand confort. Vous n'éprouvez pas le besoin de changer de posture, vous vous sentez très bien, vous avez l'impression d'être assis sur un coussin d'air, vous avez l'impression de flotter à la surface de l'océan, et vous pouvez rester concentré pendant toute l'heure sans penser. Vous voyez qu'il n'y a en vous que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Si c'est votre cas, vous avez franchi la première connaissance vipassana, la différenciation entre l'esprit et la matière. Le méditant qui réussit à franchir cette première étape et qui donc peut faire la différence entre l'esprit et la matière comprend très clairement. Cette première réalisation est en général très difficile car nous sommes des êtres non illuminés et il n'est pas facile de voir qu'en soi, il n'y a qu'une succession de phénomènes physiques et de phénomènes mentaux. Nos yeux, en effet, sont recouverts d'une épaisse couche de poussière. La poussière, ce sont les impuretés. Nous ne voyons pas clairement à cause des impuretés. Nous devrons donc commencer par éliminer les impuretés de l'esprit, et pour y arriver, il faudra apprendre à noter de façon ininterrompue. Lorsque l'esprit sera devenu clair, nous comprendrons clairement, nous verrons les choses telles qu'elles sont. La deuxième connaissance vipassana, ce sont les causes et les effets. Les méditants qui ont réalisé les causes et les effets dans leur pratique comprendront facilement de quoi il s'agit. Pourquoi notez-vous soulèvement et ensuite abaissement? Tout simplement parce qu'au préalable, ce mouvement a eu lieu. S'il n'y avait pas eu le mouvement de soulèvement, s'il n'y avait pas eu le mouvement d'abaissement, auriez-vous pu noter? Non, puisque le mouvement n'a pas eu lieu au préalable. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement sont donc les causes, le fait de noter la prise de conscience et l'effet. Le méditant qui a réalisé cela dans sa pratique comprend clairement. Les instructions demandent également de noter l'intention, surtout lorsqu'on pratique la marche attentive. Vous devez noter l'intention de lever le pied avant de passer à l'acte. Si le pied s'élève, c'est à cause de l'intention. S'il s'avance, c'est à cause de l'intention. S'il s'abaisse, c'est à cause de l'intention. Vous vous apprenez à noter l'intention lors de la première phase, lorsque le pied s'élève. Lorsque vous serez devenu capable de noter l'intention au moment où le pied s'élève, vous pourrez la percevoir dans tous les mouvements que vous êtes amené à faire tout au long de la journée, comme par exemple replier le bras, étendre le bras, passer à la posture debout, passer à la posture assise, etc. Votre attention sera alors devenue très forte. Vous comprenez que l'intention est la cause et que le mouvement est l'effet. Si vous avez compris cela de façon authentique dans votre méditation, vous avez passé la deuxième connaissance vipassana, les causes et les effets. La connaissance des causes et des effets va éradiquer les doutes. Le méditant ne pensera plus qu'il y a en lui un ego, une personnalité, un atta, un esprit. Rien de tout cela ne se trouve en lui, il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Mais personne pour en être le dépositaire, personne qui décide de quoi que ce soit. L'intention est la cause pour le mouvement. Ce méditant a éliminé les doutes. Si nous sommes très attentifs, nous pourrons vérifier par nous-mêmes que c'est l'intention qui provoque le mouvement. Et cette connaissance va éradiquer les doutes. Expérimenter de façon très claire les éléments comme la terre, l'eau, le feu, c'est comprendre correctement, c'est la compréhension juste qui s'oppose à la compréhension fausse, Miccha-ditti. Vous avez dorénavant les vues justes, Samma-ditti. Et tout cela, vous l'avez expérimenté directement par vous-même. Vous les avez vues et réalisé dans votre pratique. Et c'est ce dont parle le Bouddha lorsqu'il dit « Ehi Passiko, viens et vois par toi-même ». Il nous recommande de ne pas le croire aveuglément, mais de pratiquer et de réaliser par nous-mêmes. Si donc nous pratiquons de façon diligente, avec énergie, nous comprendrons l'esprit et la matière, nous comprendrons les causes et les effets et encore beaucoup d'autres choses. Je vais essayer d'expliquer les étapes suivantes, même si pour le moment vous ne comprendrez pas très clairement. Lorsque nous notons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous devons le faire le plus longtemps possible, sans interruption. L'attention va progressivement se renforcer et nous deviendrons capables de noter ces mouvements pendant 1 minute, peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes, sans penser. Nous serons devenus capables de suivre ces 2 mouvements de façon très précise. Si tel est le cas, pendant 1 minute, il y aura eu 60 moments de pureté dans l'esprit, puisqu'à chaque seconde, vous avez noté et de ce fait empêché les impuretés de pénétrer dans votre esprit. Vous avez noté 60 fois sans interruption. Il n'y a eu aucune pensée dans votre esprit. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen se sont succédés 60 fois et vous les avez tous notés. Vous avez noté tous ces changements. vous avez vu clairement le changement, puisque pendant une minute, vous êtes passé du mouvement de soulèvement au mouvement d'abaissement à 60 reprises. Le changement, c'est anicca, l'impermanence. Chaque fois que le mouvement de soulèvement avait lieu, vous l'avez noté. Chaque fois que le mouvement d'abaissement avait lieu, vous l'avez noté. Ces prises de conscience successives sont pénibles. Chaque fois que le mouvement a lieu, la prise de conscience suit. Mais ces mouvements ont lieu que vous le vouliez ou non, et chaque fois, vous devez les noter. Vous auriez aimé que ce flux s'arrête pour ne plus devoir noter, mais c'est impossible. Les mouvements ont lieu et doivent être notés. C'est dukkha, l'insatisfaction. Le yogi expérimente dukkha. Et si ces mouvements ont lieu, c'est tout simplement parce qu'il y a là un corps et un esprit. L'esprit, c'est ce qui expérimente. Le corps n'expérimente pas, ne sent rien. La mort, c'est lorsqu'il n'y a pas d'esprit. C'est l'esprit qui expérimente. Mais il n'y a personne à l'intérieur de soi pour décider de quoi que ce soit. Aucune entité permanente, aucune âme, aucun atta. À l'intérieur de nous, il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Si donc vous réussissez à noter très attentivement et sans interruption pendant un certain temps les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous expérimentez les trois caractéristiques des phénomènes et réalisez ainsi la troisième connaissance vipassana, la compréhension par expérience de anicca, dukkha et anatta. Vous voyez de façon très claire le changement, l'insatisfaction et le non-soi. C'est l'enseignement du Bouddha. Au début de la pratique, il y a beaucoup de pensées et en général, ce sont des pensées associées au plaisir sensuel. Ce ne sont généralement pas des pensées associées à anicca, dukkha et anatta. Mais lorsque l'attention se sera renforcée, que le méditant sera devenu capable de suivre l'objet très attentivement, que ce soit les mouvements de l'abdomen ou tout autre objet, lorsqu'il verra la nature changeante des phénomènes avec beaucoup de clarté, un autre type de pensée va faire son apparition. Ces pensées-là porteront sur la nature changeante des phénomènes, anicca, sur la nature affligeante des choses, dukkha, et sur le non-soi, anatta. Les pensées ne porteront plus sur les objets sensuels. Tout simplement parce que le méditant est devenu capable de percevoir le changement. Tout ceci fait partie de cette troisième étape de connaissance vipassana. Je n'irai pas plus loin dans mes explications, je ne vous parlerai pas des étapes suivantes car vous ne me croiriez pas. Pour les comprendre, il faut en effet pratiquer intensivement pendant une longue période, ce sont des connaissances profondes. Je vous ai donc expliqué les paroles du Bouddha, « Celui qui voit clairement le Dhamma me voit ». Nous ne comprenons pas encore parfaitement tout cela, mais si nous avons réussi à expérimenter les trois premières connaissances, la confiance va apparaître en nous, elle va devenir forte et va nous donner l'impulsion pour poursuivre notre pratique, pour maintenir notre attention de façon ininterrompue. Notre esprit va s'ouvrir alors qu'au début de la retraite, il nous était très difficile de suivre les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Maintenant que l'attention s'est renforcée, nous voyons non seulement ces deux mouvements, mais nous pouvons également noter très clairement beaucoup d'autres objets, qu'ils soient physiques ou mentaux. Nous disposons dorénavant de la force de l'attention. J'en resterai là pour aujourd'hui.